te recherche mêlée, mais la seule corde du rap sous mon gilet. Personne te sauvera, car toi dans le cul ton amulet. Je peux pas perdre une minute, poutons laisse remplir la mallette. Ceux qui prieront leur dieu quand je vais plonger leur tête dans ma cuvette. Papa recherche en lui un gosse mort à la buvette. Le téflon va comme un gant, je le porte comme le rugby de Michael dans Billet. Je peux pas perdre une minute, poutons laisse remplir la mallette. On a la piqûre, la tête dure, c'est pas le net qui va nous Papa me reniera jamais, je suis ni flic ni pédé. Je suis ni flic ni pédé. On s'en ira, ils nous ont ni aimé ni aidé. Ni aimé ni aidé. 45 AMG au volant que des teutés gilets. Que des teutés gilets. Je viens les tuer près dehors, j'y étais, autant hiver été. Autant hiver été. On t'applaudira jamais, j'ai sorti mon CD. Fils de pute. Rappelle-toi pour te mettre tout l'espoir qu'on y mettait. Pour te mettre. Si tout le monde veut mourir riche pour se payer le plaisir de partir en paix. Mourir riche. On finira du plomb plein la tasse si mon pognon jamais tu nous verras ramper. Ouais, ouais, brune, masse, pute, caline, bac, chiche, cocaïne, larmes, chiffres, grand calibre. En vraie guerre, père plus d'un soldat. Brume, épaisse, ruse, maligne, arme, crime, botanique, anarchie, mac, les mineurs sont vifs. Au frais de père et mère, insolvable. Insolvable. Insolvable. Ils ont connu la crise. Les mineurs sont vifs. Au frais de père et mère, insolvable. C'est à peut-être intérimaire, insortable. Se lever pour mille deux, c'est insultant. Ils ont compris que la caille, c'était rien sans le time. Rien sans le time. Rien sans le time. Ils ont compris que la caille, c'était rien sans le time. Rien sans le time. Rien sans le time. Compris que la caille, c'était rien sans le time. Au frais de père et mère, insolvable. C'est à peut-être intérimaire, insortable. Se lever pour mille deux, c'est insultant. Ils ont compris que la caille, c'était rien sans le time. À 5 kilogrammes, je parle pite à la douane. Danger, malaga, je carbure à la douane. Froid comme en Alaska, plutôt. Sans sortir une somme, on sait parler aux femmes. Sans sortir une lame, flingue au bout du crâne. On sait parler aux sommes. J'ai écrit la bombe dans les larmes, pas dans les noms, pas dans les âmes. Jacques-Yves est l'homme, tâche son boring shark. Voilà ça. Je me flanchaine, flambac, flambac. J'fume l'ange-bug dans l'ange, dans mon âme. Ouais, brune, masse, pute, caline, bac, chiche, cocaïne, larme. Chiffre, grand calibre, en vraie guerre, père plus d'un soldat. Brume, épaisse, ruse, maligne, arme, crime, botanique, anarchie, marche, j'ai des frères pas libres. On ferait père et mère inconsolable. Inconsolable. Inconsolable. Inconsolable. Bloqué en 4000. 4000. Coincé sur la A7. A7. On pense à vous. Ça va. C'est le rêve. Contre. Motherfucker. Ils ont compris que la caille c'était rien sans le time. Rien sans le time. Rien sans le time. Compris que la caille c'était rien sans le time. Au frais de père et mère insolvable. C'est à peut-être intérimaire insortable. Se lever pour mille deux c'est insultant. Ils ont compris que la caille c'était rien sans le time. Je recherche mes limites. Là je gorge du rap sous mon gilet. Personne te sauvera. Car toi dans le cul t'en as brûlé. Je peux pas perdre une minute. Bouton laisse remplir la mallette. J'en ai remis. Ceux qui prieront leur dieu quand je vais plonger leur tête dans ma cuvette. J'ai pas pris le mandat. Oh ouais. T'en vas envoyer mon cul. A7. J'suis sur 21 mandat. Venu, Vidi, Vici. J'en ai remis le cul. Mara. C'est le S, Gordieu. J'ai pas pris le mandat. Jésus.